Voici votre bulletin régional. La municipalité de Newport vous invite à une séance d'information présentée par l'organisme communautaire Je vis le 26 mai de 14 à 16 heures à l'hôtel de ville de Newport. Madame Sylvie Potvin expliquera les différents services d'intervention offerts par l'organisme et transmettra les connaissances de base pour être à l'écoute des gens en détresse. Les loisirs de Saint-Isidore d'Oakland vous invitent à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 26 mai à 18h30 à la salle des loisirs 36 rue principale. Pour information, contactez Francis Duvachon au 514-588-9904. À 19h le 27 mai, se tient l'Assemblée générale de l'Association du hockey mineur du Haut-Saint-François au Centre culturel de Hastings. C'est maintenant le temps de vous inscrire à la Ligue de soccer amical mixte d'Asket Corner. Cette activité s'adresse aux gens de 25 ans et plus. Date limite d'inscription 28 mai 2015.